Ricardo, quel est votre numéro de portable ? C'est le 06 70 65 28 31. Et vous, Laura ? Mon portable, c'est le 06 95 85 71 88. Et vous, Ali ? Mon portable, le 06 56 99 65 13. Et Peter ? Mon portable, c'est le 06 66 81 91 68.